avant ce matin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes aimable comme une porte de prison. C'est parce que j'ai eu le journal et qu'il y avait des mauvaises nouvelles. Que voulez-vous, on n'est pas à l'abri des mauvaises nouvelles du journal. Mais puisque vous me faites un sourire, je vais faire un effort. La prison, ce n'est pas un lieu vraiment idéal. C'est vrai que c'est là qu'on est pris, puisqu'on y est emprisonné. Voilà des mots de la même famille. Alors, il existe, pour appeler cette réalité, des synonymes plus ou moins exacts. Le pénitencier, par exemple. Bien, le pénitencier, c'est une prison réservée aux forçats, c'est-à-dire à ceux qui sont condamnés aux travaux forcés. C'est un terme qui n'existe plus à proprement parler dans le système pénitentiaire français, mais qui, dans l'esprit des gens, évoque beaucoup plus les prisons américaines, en particulier les prisons du sud américain. Si je vous dis goulag à l'inverse, on pense à l'Union. Non. Et oui, et ça fait davantage référence... À l'Union quoi? Dites-le. À l'Union soviétique, mais attention, stalinienne tout de même. Hein. Alors, le goulag, c'est un sigle, il faut le savoir, cela désignait la direction d'État des camps, et on peut l'employer parfois de manière figurée, c'est assez rare, en disant, oh là là, ici c'est le goulag. Pénitencier et goulag, voilà deux mots qui désignent des bagnes. Ce bagne, c'est une colonie pénitentiaire. Là encore, on y est condamné aux travaux forcés. C'est un drôle de mot qui nous vient de l'italien bagno, qui veut dire bain. Oui, ça peut paraître bizarre. Mais il faut savoir qu'à Constantinople, jadis, la prison du sultan avait été installée dans d'anciens établissements de bains. Si bien qu'on a dénommé le lieu par bagno, du terme italien d'ailleurs, mais attention, hein, les prévenus ne s'y baignaient pas vraiment, non? La prison, c'est le lieu par excellence de l'argot, ce langage qui au départ est destiné à ce que l'on ne soit pas compris de gens qui ne sont pas, disons, initiés. Alors, il y a différents niveaux de langage pour désigner cette prison, des niveaux tout simplement administratif au départ. Ainsi, la maison d'arrêt ou la prison centrale, qu'on retrouve d'ailleurs très souvent abrégée en centrale tout court. Il y a eu une émeute à la centrale de, Fleury-Mérogis, oui. En revanche, les mots d'argot sont assez nombreux, il faut le dire, souvent assez savoureux également. Alors, il y en a beaucoup qui restent l'apanage, si l'on peut dire, des prisonniers eux-mêmes. Il y en a d'autres qui sont compris par tout le monde. Hein. La tôle, que l'on peut écrire indifféremment T-O, accent circonflexe L-E, ou bien T-A-U-L-E. La tôle, c'est la prison. La cabane également. Mais c'est un mot qu'on emploiera rarement seul dans la phrase. Il est davantage associé à des verbes. J'ai fait un mois de cabane, je vais en cabane, je sors de cabane, oh, etc. Ma pauvre Evelyne. Eh oui, ma vie est dure, vous savez. Vous étiez à l'ombre alors. À l'ombre, ça encore, c'est un synonyme pour dire être en prison, un petit peu vieilli. Et puis on parle du trou ou du bloc. Mais là, c'est plus de l'argot militaire. Oui, on est aux arrêts, c'est une sanction disciplinaire interne à l'armée. Le violon, lui, c'est cette petite cellule qui fait partie du commissariat, vous savez, où se retrouvent de temps en temps bon, les clochards, les prostituées, les manifestants aussi. En tout cas, pour les gens qui sont en prison, là encore, on les désigne selon différents niveaux de langage. Administratif, on parlera d'un détenu. Et puis, plus ordinaire, plus général, on parle d'un prisonnier. Argotique, on parle d'un taulard. Même chose, mais de l'autre côté du verrou, si je puis dire. Le gardien, c'est le mot standard. Le geôlier, c'est le terme administratif. Quant au maton... Même littéraire et un peu vieilli, assez joli. Quant au maton, ce sont les termes employés par les détenus pour désigner leur gardien. Il ne faudrait pas terminer cette émission sans faire allusion à des mots délicieux, des mots très littéraires pour désigner les prisons des livres, des ergastules, des inpatchés, des latomies. Moi j'aime beaucoup les plombs, ceux de Venise qui enfermèrent à la fois Volpone et Casanova.